بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ونكمل اليوم ما تبقى من حديث المغيرة. On finit aujourd'hui ce qui reste du hadith de المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. وقد وصلنا إلى ما يتعلق بالنهي عن عقوق الأمهات. On est arrivé au passage qui est lié à l'interdiction du mauvais comportement, al-uquq diddul ihsan, donc le mauvais comportement, le mauvais agissement, le fait de mal agir envers les mères, les mamans. Wa qad nuhina an uquq al-walidayn lakinnahu dhukirat al-ummahat huna fi hadha al-hadith dalalatan على أنه أعظم. Et certes, il nous a été interdit de mal agir envers nos parents, les deux. Mais ce sont les mères qui ont été citées dans ce hadith pour montrer que cela est encore plus grave. Cela est encore plus grave. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. Nous avons recommandé à l'être humain d'adopter la bienséance envers ses deux parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Sa mère l'a porté en toute difficulté. Elle court la difficulté la difficulté que cette femme ressent lorsqu'elle est enceinte. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Et elle l'a accouché, allaité. Elle l'a, accouché, enfanté, donc avec une lourde difficulté. Ceci est une lourde tâche. Voilà pourquoi il est encore plus blâmable à l'individu de mal agir envers cette mère. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Abi Bakr anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ala ukhbirukum bi akbar al-kaba'ir. Dans Sahihayn, selon Abi Bakr, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: puis-je vous informer des pires des grands péchés? Des pires des grands péchés. Il a dit cela trois fois sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que les compagnons dirent: bala ya Rasulallah, bien sûr, ô messager d'Allah, informe-nous. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam: al-ishraku billah. Le fait d'accorder des associés à Allah. Wa uququl walidayn. Et le fait de mal agir envers les deux parents. Thumma jalasa wa kana muttaki'an. Ensuite, il s'est assis alors qu'il était appuyé. Il s'est assis et il a dit: ela wa qawlu zur. Certes, la parole mensongère. Qawlu zur. Idan. Et donc, mes frères, le fait de mal agir envers les parents fait partie des plus grands, des plus graves parmi les grands péchés. Thumma min fawa'id hadha al-hadith an-nahyu 'an wa'd al-banat. Il y a parmi les leçons profitables de ce hadith de l'interdiction donc d'enterrer les filles vivantes. Fa kana ahlu al-jahiliyyati yadfinuna al-banat wa hunna ahya. Et donc les gens de la période anti-islamique enterraient les filles alors qu'elles étaient vivantes. Et qu'est-ce que cet acte est blâmable et mauvais et moche? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et leur a interdit cela, mais leur a recommandé la bienséance envers ces filles. Il a incité les hommes, les pères, les mères à bien agir, à bien se comporter envers nos enfants, envers nos filles. Wa fil hadith an-nahyu an man'in wa hat. Il y a dans le hadith l'interdiction de retenir et de demander. Fa al-murad bi dhalika an yakuna ar-rajul yamna'u ma fi yadayhi bukhlan. Ce qui est voulu par là, c'est que la personne, elle va interdire, elle va empêcher ce qu'elle a, elle ne va pas donner ce qu'elle a aux autres. Tout cela par avarice. Et Yazid wa la dhalika annahu yatlubu ma fi aydi an-nas. On rajoute à cela, il rajoute à cela le fait de demander ce que les gens, eux, ils ont. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَلَى نَفْسِ عَلَى نَفْسِ. Celui qui, certes, celui qui est avare, il est avare envers sa propre personne. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même en étant avare. Quand تَكَلَّمْنَا عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَلِ. On a parlé, on a abordé le sujet de beaucoup demander. On a vu donc hier. Aujourd'hui, on va continuer avec les deux autres hadiths qui sont dans le chapitre, inshallah ta'ala, dans le sous-chapitre, pour le finir, bi'idhnillahi ta'ala. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَنْ سُمَيِّنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ إِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْنِ الْحَارِثِ إِبْنِ هِشَامِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُسْلِمِينَ أن فقراء المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات في رواية بالأجور ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. Et donc selon Soumay, مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام, selon Abi Saleh, As-Samman, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, que les pauvres parmi les musulmans sont venus au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disant: ô messager d'Allah, certes les riches, ahlul duthur, ahlul amwal il kathira. Et donc certes, les riches sont partis avec les hauts degrés et les délices éternels, c'est-à-dire donc al-na'im al-muqim, le paradis, les récompenses qui mènent au paradis. Kala wa madhak. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Alors ils disent: qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Ils ont dit: certes, ils prient comme nous nous prions. Les riches, ils prient comme nous nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Mais ils donnent de l'aumône et nous, on n'en donne pas. Et ils libèrent des esclaves et nous, on ne le fait pas. Fait qu'on est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabakakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: puis-je vous informer de quelque chose? Que si vous le faites, vous allez rattraper ceux qui vous ont précédé et vous allez dépasser ceux qui sont derrière vous. Alors, il continue sallallahu alayhi wa sallam et il dit: wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a kama sana'tum. Et personne ne sera meilleur que vous en récompense, sauf celui qui fait la même chose que vous. Personne ne sera meilleur que vous, sauf celui qui fait la même chose que vous. Qalu bala ya Rasulallah. Ils ont dit: bien sûr, ô messager d'Allah, informe-nous. Il a dit: tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun dubura kulli salat 33 marra. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: vous faites le tasbih, le fait de dire subhanallah. Et takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Et tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Cela après chaque prière 33 fois. 33 marra. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. Alors Abu Salih il dit que les pauvres parmi les muhajirin, ils sont revenus au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: ô messager d'Allah, certes nos frères, les riches, ahlul amwal, ils ont certes entendu ce que nous avons fait et ils ont fait comme nous. Les riches maintenant, eux aussi, ils font cette invocation, ce dhikr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il a dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءَ. Ceci est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il accorde ses bienfaits à qui il veut. قَالَ سُمَيْ فَحَدَّثْتُ بَعْضَ أَهْلِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ وَهِمْتَ إنما قالت تسبح الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين وتكبر الله ثلاثا وثلاثين. Et donc Abu Saleh il dit, je suis allé et j'ai rapporté ce hadith à quelqu'un de ma famille et il m'a dit tu t'es trompé. Certes, il a dit tu fais le tasbih 33 fois, tu fais le tahmid 33 fois et tu fais le takbir 33 fois. فرجعت إلى أبي Soumeï, excusez-moi, c'était Soumeï. Ensuite, il dit donc Soumeï, farajatu ila Abi Saleh. Je suis revenu vers Abi Saleh. Fakultu lahu dhalik. Alors, j'ai informé Abu Saleh de cela, donc de ce reproche qui m'a été fait. Et il a dit, Abu Saleh, il a dit, Kul, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, hatta tablura min jami'ihinna thalathan wa thalathin. Il lui a dit, tu dis, Allahu Akbar, walhamdulillah, et donc, il dit, donc tu dis Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, jusqu'à ce que tu parviennes avec les trois ensemble à 33. Donc là, c'est pas Subhanallah, c'est pas Allah, c'est pas les trois séparés, mais là, c'est les trois ensemble jusqu'à ce que tu arrives à 33. هذا الحديث فيه فضل هذا الذكر بعد الصلاة. Il y a dans ce hadith les mérites de ce dhikr, cette invocation après la prière. وفيه أن من تركه فوت على نفسه أجرا عظيما. Il y a dans ce hadith le fait que celui qui délaisse ce dhikr après la salat, alors il se prive d'une grande récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُمْ. Il dit, et personne ne sera meilleur que vous, sauf celui qui fait la même chose que vous. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va délaisser ce dhikr, khassatan annahu yassir? Particulièrement que il est facile, il est simple, il ne prend pas beaucoup de temps. Et donc, il convient aux musulmans de faire des efforts par rapport à cela. Wa fil hadithi aidan, dhikru fuqara al-muhajirin. Il y a dans ce hadith la citation des pauvres parmi les muhajirines, ceux qui ont émigré. Et je saisis l'occasion pour faire le rappel sur ce sujet. Certes, les émigrants, les muhajirines, ils étaient connus par la pauvreté. فَتَرَكُوا أَهْلِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِرَارًا بِدِينِهِمْ. Ils ont délaissé leur famille et leurs biens pour protéger, pour sauver leur religion. يَا أَخِي أَهَمُّ شَيْءٍ عِنْدَكْ هُوَ دِينُكَ. Oh mon frère, la chose la plus importante que tu as, c'est ta religion. وَأَنْ تَرْضَى بِمَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ. Et que tu sois satisfait, que tu agrées ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Wa kawnuna nuqaddimu al-ghina 'ala al-hijra mukhalifun li hadi as-salaf. Et le fait que nous faisons précéder l'émigration, excusez-moi, le fait que nous faisons précéder la richesse à l'émigration, cela est contraire à la guidée des pieux prédécesseurs. Cela montre que nous avons un problème, nous avons un khalal. On fait précéder la richesse, le fait d'économiser à cette obligation d'émigrer vers les pays musulmans. Thumma liyu'lam anna al-ulama qad ikhtalafu fi al-faqir as-sabir wal-ghani ash-shakir. Ensuite, il faut savoir que les savants, ils ont divergé concernant le pauvre qui patiente et qui endure. Et le riche qui remercie, lequel est meilleur? Hein? Le riche ou le pauvre? Le pauvre qui patiente ou le riche qui endure? Le riche qui remercie, excusez-moi. Le riche. Fait que Dieu est nous sous. Tu bégis nous fadl al-fuqara. il y a des textes qui montrent les mérites des pauvres. Que quand il fukara yadkhulun al-janna 40 kharifan qabla al-aghniya. Le fait que les riches, ils vont rentrer au paradis 40 ans avant, excusez-moi, le fait que les pauvres vont rentrer au paradis 40 ans avant les riches. Les pauvres vont rentrer au paradis 40 ans avant les riches. Hatta yatamanna al-aghniya min al-muslimin annahum kanu fuqara. À tel point que les riches parmi les musulmans, yawm al-qiyama, ils espéront que fi dunya ils étaient pauvres. Et donc, cela nous montre les mérites de la pauvreté. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqiran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était pauvre. لكنه جاءت كذلك نصوص تبين فضل الغني الشاكر. De la même façon, il y a aussi des textes qui montrent les mérites du riche qui remercie son Seigneur. فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبادات لا تتم إلا عند الأغنياء. Allah تبارك وتعالى a fait les éloges de certains actes d'adoration qui ne sont accomplis que chez les riches. Qu'est-ce zakat? Comme la zakat, aujourd'hui le hajj. Et donc ça, ce sont des actes d'adoration où il faut avoir de l'argent. Wal ghani yu'inul faqir 'ala al-qiyam bi ibadatihi. Le riche, il va aider le pauvre dans l'accomplissement de ses actes d'adoration. La mosquée que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont investi pour cette mosquée. Beaucoup de personnes. Et donc, le riche va avoir des mérites. Lidhalika rajaha al-Sheikh al-Najmi rahimahullah tafdil al-Ghani al-Shakir ala al-Faqir al-Sabir. Et c'est pour ça que le Sheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il a donc fait prévaloir, il a fait devancer le riche qui remercie son Seigneur au pauvre qui patiente. Mais attention, il précise aussi que cette divergence-là entre les ulama, elle concerne le riche qui remercie son Seigneur. Pas le riche qui est avare, pas le riche qui est dans la désobéissance. On parle du riche qui va utiliser cette richesse dans l'obéissance à son Seigneur. وكذلك يستفاد من هذا الحديث حالة الصحابة في التنافس في الخيرات خلافا لما نراه اليوم من الذين يتنافسون في الدنيا. Et aussi on voit dans ce hadith la concurrence qu'il y avait entre les compagnons dans l'accomplissement du bien. Ils se concurrençaient pour accomplir les bonnes actions. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, le fait de se concurrencer pour la dunya. يا أيها الإخوة لا تجعلوا الدنيا أكبر همكم. Oh mes frères, ne faites pas que la dunya soit la chose la plus importante pour vous. اجعل هذا المال كدابة تركبها عند الحاجة. Fais en sorte que cet argent soit comme une monture sur laquelle tu montes lorsque tu en as besoin. فإن الدابة أو فإن المال إن لم تركبه راكبك. Car certes, l'argent, si tu ne montes pas sur l'argent, c'est-à-dire si ce n'est pas toi qui contrôle l'argent, c'est l'argent qui va te monter dessus. C'est l'argent qui va te contrôler. Naam. C'est l'argent qui va te contrôler. وَلَا تَجْعَلْ هَذَا الْمَلْ أَوْ اِجْعَلْ هَذَا الْمَلْ كَبَيْتَ الْخَلَى تَذْهَبُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ. Fais en sorte que cet argent que tu as soit comme les toilettes que tu vas en cas de besoin seulement. وَلَا تَجْعَلْهُ أَكْبَرَ هَمِّكَ. Ne fais pas en sorte que cet argent soit la chose la plus importante pour toi. Est-ce que les toilettes, c'est la chose la plus importante pour toi? Non, personne ne va dire ça. Eh bien, fais en sorte que l'argent soit pareil. L'argent, tu y vas quand il y en a besoin. Ne sois pas tout le temps derrière l'argent à courir comme ça. Argent, argent, argent, euro, euro. وأخيرا آخر حديث ذكره المؤلف رحمه الله. Et donc pour finir, le dernier hadith qu'a cité l'auteur رحمه الله dans ce sous-chapitre, أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. Et donc selon عائشة رضي الله عنها, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a accompli la prière dans une khamisa. Al khamisa, c'est un vêtement large, c'est un vêtement large qui avait donc des symboles. فَنَظَرَ إِلَىٰ أَعْلَامِهَا نَظْرَةً. Alors le prophète, il a regardé vers les symboles qu'il y avait sur ce vêtement. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِذْهَبُوا بِخَمِيصَةِ هَذِهِ إِلَىٰ أَبِي جَهْمْ فَأْتُونِي بِأَبْجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمْ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fini sa prière, il a dit: prenez ma khamisa et allez avec elle vers Abu Jahm. Et venez à moi avec une abjaniya. L'abjaniya, donc, c'est comme une khamisa, donc c'est aussi un vêtement qui est large, sauf qu'il est plus épais. Sauf qu'il est plus épais. Car ensuite le prophète, il a précisé, il a dit: car celle-ci, donc la khamisa, le vêtement qu'il avait avec des symboles, car celle-ci m'a distrait auparavant durant ma prière. Donc ce vêtement avec des symboles l'a distrait durant sa prière. هذا الحديث فيه استحباب إزالة الملهيات في الصلاة. Il y a dans ce hadith le fait qu'il est recommandé de retirer ce qui dérange pendant la prière, ce qui va distraire les gens pendant la prière. Il est recommandé, il est bien de retirer tout cela. Contrairement à ce qu'on voit dans certaines mosquées. T'es là par terre, a'ouzou billah. Toutes les distractions qu'il y a pendant la salat, elles sont par terre. Des dessins dans tous les sens. Des dessins dans tous les sens. T'es là, t'es en train de prier, tu vois tous les dessins dans tous les sens. Ou alors sur les murs, ou ailleurs. وَهَذَا مَنْهِيٌ عَنْ. Cela, c'est interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: مَا أُمِرْتُ بِتَشْكِيدِ الْمَسَاجِدِ. Il ne m'a pas été ordonné d'embellir les mosquées. وذكر ابن عباس رضي الله عنه ان هذا مخالف ان هذا من فعل النصارى واليهود. ابن عباس رضي الله عنهما a cité que cela fait partie des actes des juifs et des chrétiens. Et donc il est convenable que dans nos lieux d'adoration on insiste sur ce point, le fait de les laisser comme des lieux d'adoration pour qu'on se concentre. La mosquée n'est pas un musée. La mosquée n'est pas un musée. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.